Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des rois, chapitre 6. Il arriva donc à la 480e année de la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, à la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Siyo, c'est le second mois de l'année, que l'on commença à bâtir la maison du Seigneur. Or la maison que bâtissait au Seigneur le roi Salomon avait 60 coudées en longueur, 20 coudées en largeur et 30 coudées en hauteur. Et le portique devant le temple était de 20 coudées de longueur selon la mesure de la largeur du temple, et il avait 10 coudées de largeur devant la face du temple. Et il fit au temple des fenêtres obliques. Et il bâtit sur la muraille du temple des étages tout autour, à côté des murailles de la maison alentour du temple et de l'oracle. Et il fit des bas-côtés alentour. L'étage d'en bas avait 5 coudées de largeur, l'étage du milieu 6 coudées de largeur, et le troisième étage avec 7 coudées de largeur. Mais il mit des poutres à la maison tout autour en dehors, de sorte qu'elles n'étaient pas attachées au mur du temple. Or lorsque la maison se bâtit, c'est de pierres taillées et bien préparées qu'elle fut bâtie. Et ni marteau, ni cognée, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la bâtissait. La porte du côté du milieu était à la partie droite de la maison, et l'on montait par un escalier tournant à l'étage mitoyen et de l'étage mitoyen au troisième. Ainsi il bâtit la maison et l'acheva, et il la couvrit de lambris de cèdre. Et il bâtit un étage au-dessus de tout l'édifice de 5 coudées de hauteur. Et il couvrit la maison de bois de cèdre. Et la parole du Seigneur fut adressée à Salomon, disant, « Voici la maison que tu bâtis. Si tu marches dans mes préceptes, si tu exécutes mes lois, et que tu gardes tous mes commandements, en y marchant, je confirmerai pour toi la parole que j'ai dite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple Israël. » Ainsi Salomon bâtit la maison du Seigneur et l'acheva. Et il lambrissa les murailles de la maison en dedans dais de cèdre, depuis le pavé de la maison jusqu'au haut du muraille et jusqu'au plafond. Et il le couvrit de bois de cèdre en dedans, et il couvrit le pavé de la maison de planches de sapin. Il lambrissa aussi les 20 coudées au fond du temple dais de cèdre, depuis le pavé jusqu'au haut. Et il fit le lieu intérieur de l'oracle pour le Saint des Saints. Or le temple lui-même était de 40 coudées devant la porte de l'oracle. Et toute la maison était au-dedans revêtue de cèdre, ayant des contours et des jointures faites avec art et des moulures saillantes. Tout était revêtu de lambris de cèdre, et aucune pierre ne pouvait paraître dans la muraille. Quant à l'oracle, c'est au milieu du temple, dans la partie la plus intérieure qu'il y avait fait, pour y mettre l'arche de l'alliance du Seigneur. Or l'oracle était de 20 coudées de longueur, de 20 coudées de largeur et de 20 coudées de hauteur. Et il le couvrit et le revêtit d'or très pur. Mais l'autel, il le couvrit de bois de cèdre. La maison aussi, devant l'oracle, il la couvrit d'un or très pur. Et il attacha les lames d'or avec des clous d'or. Et il n'y avait rien dans le temple qui ne fût couvert d'or. Et il couvrit aussi d'or tout l'autel de l'oracle. Et il fit dans l'oracle 2 chérubins de bois d'olivier, de 10 coudées de hauteur. L'une des ailes d'un chérubin était de 5 coudées, et l'autre aile de ce chérubin était de 5 coudées, c'est-à-dire qu'il y avait 10 coudées depuis l'extrémité d'une des ailes jusqu'à l'extrémité de l'autre aile. Le second chérubin était aussi de 10 coudées, des mêmes dimensions, et il n'y avait qu'un seul ouvrage pour les 2 chérubins. C'est-à-dire que le premier chérubin avait la hauteur de 10 coudées et le second pareillement. Et il plaça les chérubins au milieu du temple intérieur. Or les chérubins étendaient leurs ailes. L'une des ailes du premier chérubin touchait une muraille, et l'aile du second chérubin touchait l'autre muraille. Et leurs autres ailes se joignaient ensemble au milieu du temple. Il couvrit aussi d'or les chérubins. Et toutes les murailles du temple, il les orna alentour de sculptures variées et d'un contour. et il y fit des chérubins, des palmes et des peintures variées qui semblaient se détacher de la muraille et en sortir. Mais même le pavé de la maison, il le couvrit d'or, en dedans et en dehors. Et à l'entrée de l'oracle, il fit de petites portes de bois d'olivier, et des poteaux à cinq angles, et deux portes en bois d'olivier. Et il y sculpta des figures de chérubins, des palmes et des bas-reliefs tressaillants. Et il couvrit d'or tant les chérubins que les palmes et le reste. Il fit à l'entrée du temple des poteaux de bois d'olivier quadrangulaires, et deux portes de bois de sapin de côté et d'autre. Chaque porte avait deux battants, et elle s'ouvrait, ayant ces deux battants unis ensemble. Et il sculpta des chérubins et des palmes et des moulures tressaillantes, et il couvrit le tout de lames d'or, d'un travail fait à la règle et à l'équerre. Il bâtit aussi le parvis intérieur de trois rangs de pierres polies et d'un rang de bois de cèdre. C'est à la quatrième année que fut fondée la maison du Seigneur au mois de Ziyo. Et la onzième année, au mois de Bul, c'est le huitième mois, la maison fut entièrement achevée, et dans tous ses ouvrages, et dans tout ce qui devait y servir. Et Salomon la bâtit en 7 ans. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.